بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. والسماء والطارق. Par le ciel et par l'astre nocturne. وما أدراك ما الطارق. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne ? النجم الثاقب. C'est l'étoile vivement brillante. إن كل نفس لما عليها حافظ. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. فلينظر الإنسان مما خلق. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. خلق من ماء دافق. Il a été créé d'une giclée d'eau. يخرج من بين الصلب والترائب. Sorti d'entre les lombes et les côtes. إنه على رجعه لقادر. Allah est certes capable de le ressusciter. يوم تبلى السرائر. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. فما له من قوة ولا ناصر. Il n'aura alors ni force ni secoureur. والسماء ذات الرجع. Par le ciel qui fait revenir la pluie. والأرض ذات الصدع. Et par la terre qui se fend. إنه لقول فصل. Ceci, le Coran, est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux. وما هو بالهزل. Et non point une plaisanterie frivole. إنهم يكيدون كيدا. Ils se servent d'une ruse. وأكيد كيدا. Et moi aussi je me sers de mon plan. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Accorde, ô prophète, donc, un délai aux infidèles. Accorde-leur un court délai.